La nuit, c'était le Vatican. Mmh. Hier, c'était le Chabitlou avec toute la famille. Au Tirol. Et aujourd'hui, dernière partie de mes vacances de fin d'année. Ah, j'ai passé le réveillon en Argentine, dans l'école où je donne des cours de tango. La escuela de los toros y caballeros por el corazón del culo. J'adore cet endroit. Au début, ça m'a gêné de ne pas parler la langue. Mais ça va mieux maintenant. J'ai remarqué que quand tu parles fort, les gens comprennent. Bref, c'était vendredi soir et c'était bien. J'étais accueilli par Chiquita, la gardienne de las escuelas de los toros y caballeros por el corazón del culo, une femme de 93 ans, chaude comme un slip chauffé à la braise. Hola, señor Helmut. Oh, salut, Chiquita. Ça gaze la manouche. Te gusta un schnapps? Non, non, c'est moi plutôt un schnapps, Juanita. Ok. Que bueno la bebida. Bref, comme vous pouvez le constater, une atmosphère drôle, détendue, riche en conversations passionnantes. Et puis, à minuit pile, elle a foutu tout le monde dehors. Elle m'a regardé dans le rouge des yeux. Elle a tamisé la lumière. Elle m'a demandé si je voulais bien mettre un peu de musique. Je n'ai profité pour placer immédiatement le CD que je venais de m'offrir au Tirol. Ah, ah, ah. Là, c'est de la musique, hein. Ça te plaît, Moré? Ah, bah, que musica de mierda. Ah, je savais que ça te plairait. Me gusta la musica de salopa. Oh. Je vois que vous avez des classiques. Bien. Toi et moi, faire l'amour. C'est-à-dire que... Chiquita, comment te dire, j'ai un peu la nausée. Tu vois, moi, les seins en forme de nem et les fesses en forme de crêpe Suzette, ça me met pas vraiment en joie. Babouf, cabron. Elle s'est jetée sur moi comme un charpaille en rut. Ah, je l'ai attachée avec ses plis au ventre et je me suis échappé. Oh, j'aurais dû rester au Tirol pour le nouvel an. Là-bas, moi, on se barre. À la Saint-Sylvestre, on fait la chasse aux vieux. Ah, bon, je vous laisse. J'ai une de ces envies de faire pipi, moi. Allez, au revoir.